بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الحديث 64 بعد 100 64 حديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Selon Aïcha, radhiyallahu anha, elle a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la maladie dans laquelle il est mort, il a dit qu'Allah maudisse les juifs ainsi que les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. Ensuite, elle a dit, si ce n'avait pas été cela, sa tombe aurait été rendue apparente. Sauf qu'il a cru justement qu'elle soit prise comme un lieu d'adoration. Qu'il a craint que sa tombe soit prise comme un lieu d'adoration. Yaqulu fadilat al-shi'a ibn al-Uthaymin. Al-Uthaymin dit, Raoui, rapporteur, c'est Aïcha, toujours. Moudou al-hadith, bayin uqubat man ittakhazou al-kubur masajid. Ce hadith vient pour montrer justement le châtiment qui attend ceux qui ont fait des tombes un lieu d'adoration. Un lieu de culte. Un masjid. يقول في الشرح الإجمالي بعث الله تعالى الرسل لتحقيق توحيد الله تعالى وعبادته وتعلق القلب به وحده محبة وتعظيما ورجاء وخوفا من طيب وخوفا. Donc Allah عز وجل a envoyé les messagers pour concrétiser le tawhid, que les gens unifient Allah dans l'adoration et que les cœurs s'accrochent à Allah seul par amour pour lui et en le glorifiant. Et par espoir et par peur. Par espoir de sa récompense et par peur de sa colère, de son châtiment. Wa min thumma kana afdaluhum wa khatimuhum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam harisan ala kulli hirs wa kulli hirs ala himayat dhalika wa tahdhir min ash-shirk wa min wasa'ilihi wa dhara'ihi fi tayyib. On a été là. Donc le meilleur d'entre eux c'était Muhammad, le meilleur d'entre eux le dernier d'entre eux des prophètes. Et il était très soucieux. Il a porté le plus grand soin justement à protéger ce côté-là, celui du tawhid, et de mettre en garde contre le shirk et de tous les moyens qui y mènent. Au fait del hadith, tukhbiru Aisha radhiyallahu anha annahu qala fi maradi alladhi lam yakun minhu la'ana Allah al-yahuda wa an-nasara yad'u alayhim aw yukhbiru anna Allah la'anahum li'annahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Et donc dans ce hadith, Aisha informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa maladie dans laquelle il est mort, hein, il a invoqué que Allah maudisse les Yahoud et les Nassar. Ou alors, soit c'est une invocation de sa part, ou soit il informe que Allah l'a déjà fait, les a maudits, du fait qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. قال ذلك تحذيرا لأمتي مما صنعوا وأخبرت أنه قال ذلك في مرض موته لبيان شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحماية التوحيد وأن ذلك لم ينسخ. Donc elle a dit cela, Aïcha, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour mettre en garde sa communauté contre les agissements de ces gens-là. Et elle a informé Aïcha, elle a insisté sur le fait que cela a eu lieu lors de la maladie de sa mort, pour montrer l'importance et le côté primordial de l'enseignement de ce point-là. L'importance à y donner. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au moment de sa mort, s'est soucié de protéger le tawhid et que cela n'a pas été abrogé. Ce jugement de l'interdiction de construire des masajid sur les kouburs ou de prendre des tombes comme les adorations, c'est une chose qui n'a pas été abrogée. Car jusqu'à la fin de sa vie, on en a parlé. فَلَا يَقُولَنَّ قَائِلٌ لَعَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ النَّاسِ حَدِيثَيْ عَدْ بِالشِّرْكِ قَالَتْ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَلَوْلَا خَوْفُ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ مَسْجِدًا لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ حَتَّى يَكُونَ ظَاهِرًا أَوْ جُعِلَ فِي بَقِيعٍ من أصحابه إلا أن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يتخذ مسجدا فجعلوه في بيت عائشة رضي الله عنها. Donc il ne faut pas qu'une personne se dise, il se peut que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cela au début de son appel lorsque les gens étaient encore nouveaux en islam. Non, il l'a fait jusqu'à sa mort. Et que Aïcha elle a dit également ce n'était pas la peur que sa tombe justement soit prise comme lieu d'adoration, sa tombe aurait été mise au milieu des autres, de ses compagnons, elle aurait été apparente et visible. Mais seulement par peur que Cela l'amène à ce que devient le lieu du culte. Les Sahaba ont préféré l'enterrer dans la pièce de Aïcha. Et à savoir également dans un autre hadith qui est venu selon Abu Bakr, qu'il a dit que les prophètes sont enterrés là où ils sont morts. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort dans la chambre de Aïcha. Donc les deux vont ensemble. Il est enterré de là, selon justement la sunna des prophètes, et également cela a amené à ce que sa tombe soit préservée. Yaqulu min fawaid al-hadith, enseignement du hadith. La'an man ittakhadha al-qabr al-qubur masajid. La malédiction sur ceux qui ont pris les tombes comme lieu d'adoration. Thaniyan, an ittikhadha al-qubur masajid min kaba'ir adh-dhunub. Que le fait de prendre les tombes comme masjid, cela est parmi les grands péchés. Et les principales causes menant au shirk. Thalithan, hirs an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himayat at-tawhid wa ihtimamihi bidhalika. Qui montre justement la grande importance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donnée au Tawhid du jour où il est devenu prophète jusqu'au jour où il est mort. Son message était constant d'appeler à cela. Rabi'an, an al-hikmata fi adam ibraz qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khawf ittikhazi masjida. Et que parmi les sagesses du fait que sa tombe n'a pas été rendue visible à la portée de tous, c'est par peur qu'elle ne soit prise comme lieu d'adoration. Et comme l'ont expliqué également, car c'est le lieu où il est mort et c'est là que les prophètes sont enterrés. Il faut savoir une chose, un ishkel que le shir cite, qu'on parle souvent dans les doulos par rapport à ce sujet-là, c'est que des gens pourraient dire, mais la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est dans le masjid al-Nabawi, comment cela se fait? On dit non, à la base, le masjid al-Nabawi était plus petit auparavant et la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans la chambre de Aïcha. Et la chambre de Aïcha était à côté du masjid. Ensuite, le masjid a été agrandi, ce qui fait qu'il a renfermé la roufa de Aïcha. Et également, cela a eu lieu, d'accord, à l'époque, à la fin de la vie des Sahaba, et qui n'était pas d'accord avec cela. Donc ça, c'est un agissement qui n'est pas lié à la législation. C'est une chose qui est venue de certains gouverneurs de l'époque. Cela revient d'eux. Également le fait de mettre une coupole sur sa tombe. Cela vient des gouverneurs. Ce n'est pas une chose qui est à la législation. Ça, c'est parmi les erreurs, justement, commises, qu'elle leur pardonne. Donc, que les gens ne prennent pas cela comme un argument pour dire, mais si ça a été fait là-bas, alors c'est que cela est permis. Ce n'est pas permis. Car souvent, les gens, lorsque l'on fait un blâme, on reproche sur une chose, ils disent, oui, mais à Mecca, ils font ceci, ou à Al-Médina, ils font cela. On dit, ce n'est pas une preuve, cela. La preuve, c'est ce que Allah Azzawajal a dit, ce que son messager a dit, et comment l'ont compris les compagnons. Et ça, la preuve. Donc, voilà. Et également, une chose importante dans ce hadith qui est à retenir, c'est que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dernières choses qu'il a faites avant de mourir, c'est de maudire les Yahoud et les Nasara. Pour les gens qui aimeraient encore dire qu'ils sont nos frères, qu'ils sont des croyants, ou qu'il faut être ceci et cela avec eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, parmi les moments les plus durs de sa vie, à quoi a-t-il pensé à les maudire? Pour quel acte? Pour leurs actes qui ont mené au shirk. Donc ces gens-là ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas nos alliés. On ne doit pas les léser. Ils ont des droits. Mais quoi qu'il en soit, on ne doit pas les aimer. On ne doit pas les aimer. Et ça, c'est parmi les adillah qui montrent justement le fait de se désavouer d'eux. Et c'est parmi les choses les plus importantes de la religion. Naam. Fabiad al-Qadr al-Naktafi, walhamdulillah bil alamin.